avez un nouveau message. Aujourd'hui à 15h25. Allô, Fab? Ouais, c'est Samy. Eh hey, frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi, obligé, ça peut schémar. Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours? Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions tu te foutais d'elle. Mais hélas pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes. Aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski. Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de mon devenir, j'ai frôlé la crucifixion. Mais j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule des acharnés, à tout moment ça peut schémar. Des projets noués nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles, étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. Lorsque cette phrase résonnait, je te jure ça peut schémar. Ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale. À toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial. Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué et que les experts ont bien mieux à faire que de le réparer? Sur ma lancée, je devais poursuivre, alors j'ai pris les escaliers. Mais à ma grande surprise, il n'y avait plus de marche après le premier palier. On a donc dû relever les manches, t'as fait dur même les dimanches, quitte à se faire bébard. Et dans nos têtes, on se répétait en boucle, t'inquiète, un jour ça va schémar. Je me souviens même plus vraiment quel était notre but final. Voir le quotidien différemment, tenter un truc original. Évidemment, ne soyons pas naïfs, on voulait aussi faire des sous. Mais si c'était le seul objectif, on aurait souvent été déçus. Finalement, notre ambition, c'était de se créer des rêves, s'offrir une vraie récréation, que le réel nous offre une trêve. Et puis surtout être fier de construire avec ses potes. On avait besoin de ça, grandir, pour changer d'époque. Combien d'heures accumulées, en bas de chez toi, dans la voiture, à refaire le monde et à dessiner notre futur. Combien d'idées d'excité on a citées au pied de ta cité. Et si t'es comme moi, tu referais la même sans hésiter. À tous les gosses meurtris de briller dans l'indifférence d'une société qui les néglige puis les accuse de nonchalance. Un hymne à mère patrie qui brise le talent et passe son cri sous silence. Une clameur se fait entendre et bat la mesure en cadence. France, des fois je te hais, parfois tu m'émeus. Mais souvent je me tais car je sais qu'au fond je t'aime. Mais il serait temps que tu rendes hommage à tous ces talents détruits. Fais donc ton tri au mérite et il y aura beaucoup moins d'aigris. Beaucoup moins de jeunes épris du lointain modèle états-unien. Parce que réussir ailleurs reste encore le seul moyen d'obtenir ton soutien. Si beaucoup se barrent, c'est pour chasser des chimères autre part que dans leurs cauchemars. Rappelle-les sur tes terres et montre-leur qu'ici aussi, pour eux, ça peut schémar. Alors on a monté des projets loin des projecteurs, pour éviter les projectiles des rageurs jeteurs de sorts. Est-ce la mentalité de banlieue ou la mentalité française? Mais les meilleures idées sont souvent celles qui se taisent. Doit-on vraiment changer d'envie ou changer d'environnement pour se fixer des objectifs et les atteindre ouvertement? Des mecs qui jettent le mauvais œil, on en connaît depuis le préau. Je dois avouer que même entre nous, on sait pas toujours tirer vers le haut. Mais fini de s'imposer notre propre censure, on n'a pas de sang sur les mains. Alors pourquoi ne pas être sûr qu'on est sur le bon chemin? Nous n'étions pas forts, mais ce passé nous a formés. Et plus jamais je me marre quand j'entends cette phrase résonner. Je te jure, ça peut schémar. Hey, Samy. Bien sûr, ça va schémar. Cédric. Tu le sais que ça va schémar. Brahim. Ça va chez Mar, mon pote. Ona, Bob Dalla. Ça va chez Mar.